Apocalypse chapitre 4. Après ces choses je regardai, et voici, une porte fut ouverte au ciel, et la première voix que j'avais vue comme d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Et sur le champ je fus ravi en esprit, et voici, un trône était posé au ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui y était assis, paraissait semblable à une pierre de jaspe, et de sardoine, et autour du trône paraissait un arc-en-ciel, semblable à une émeraude. Et il y avait autour du trône 24 sièges, et je vis sur les sièges 24 anciens assis, vêtus d'habillements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres, et des voix, et il y avait devant le trône sept lampes de feu ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Et au devant du trône il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône quatre animaux, plein d'yeux devant et derrière. Et le premier animal était semblable à un lion, le second animal était semblable à un veau, le troisième animal avait la face comme un homme, et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Et les quatre animaux avaient chacun six ailes alentour, et au-dedans ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessent point de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui est à venir. » Or, quand les animaux rendaient gloire et honneur, et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui est vivant au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône, et adoraient celui qui est vivant au siècle des siècles, et ils jetaient leur couronne devant le trône, en disant, « Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.